ثم يقعد للتشهد الأخير وكلاهما واجب. Ensuite, il s'assoit, donc pour accomplir, pour commencer le dernier témoignage de foi. Et ces deux choses que l'on vient de citer, à savoir le fait de s'asseoir et la prononciation du dernier témoignage de foi, sont obligatoires. Donc, quiconque vous aurait oublié de les accomplir, devrait donc réparer sa faute en se prosternant deux fois. ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول il s'effectue donc la prononciation du dernier témoignage de foi s'effectue donc de la même façon que la prononciation première إلا أنه يجلس فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى. Donc on a dit que pour prononcer ce dernier témoignage de foi, il devait s'asseoir d'une certaine façon qui s'appelle le tawarruk. Comment la décrire ? قال إلا أنه يجلس فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض. Il s'assoit en posant directement la hanche gauche sur le sol. ويخرج قدميه من ناحية واحدة. Il sort ses deux pieds de même côté, donc du côté droit, qui est le côté opposé au côté où la hanche est posée sur le sol, bien sûr. ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى. Et le pied gauche se trouve alors sous sa jambe droite. وينصب قدمه اليمنى. Il pose son pied droit perpendiculairement au sol. وَيَجُوزُ فَرْشُهَا أَحْيَانًا. Et des fois, il est de la sunna qui ne met pas son pied droit perpendiculairement au sol, mais qui le pose couché naturellement. وَيُرْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا. Et il agrippe avec sa main gauche son genou gauche donc, comme s'il était appuyé sur ses genoux. وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع. Après la prononciation de ce témoignage de foi, il est obligatoire de prononcer l'invocation qu'on a appelée la prière pour le prophète صلى الله عليه وسلم, donc الصلاة الإبراهيمية. Mais il y a une différence avec le premier témoignage de foi, avec la prononciation du premier témoignage de foi, c'est que avant d'achever la prière, il faut obligatoirement prononcer notre invocation qui est appelée Ta'oud min al-Arba, qui consiste à s'en remettre à Dieu contre quatre choses qui vont être désignées quand on va traduire le hadith, inshallah. Donc, pour résumer les choses, les cinq prières obligatoires contiennent des prières qui comportent quatre rak'ah. Ce sont la prière de Dhuhr, la prière de l'Asr et la prière de l'Isha, et une prière qui comporte trois rak'ah seulement, qui est la prière de l'Maghrib, et la prière de l'Aube, la prière de l'Fajr, qui comporte deux rak'ah seulement. Pour la prière de l'Aube, qui comprend deux rak'ah seulement, il y aura un seul témoignage de foi. Après que la personne se soit assise pour achever sa prière, elle va prononcer le premier témoignage de foi. Puis ensuite, elle va prononcer Salat Ibrahimia. Puis ensuite, elle va prononcer cette invocation dont on vient de parler, qui s'appelle Al-Ta'awud min al-Arba. Donc, il ne faut pas croire que c'est seulement lorsqu'il y a deux prononciations de témoignage de foi que c'est à ce moment-là qu'il faut prononcer cette invocation Ta'awud min al-Arba. Non, Ta'awud min al-Arba est situé à la fin de chaque prière. Pour s'en rappeler, il faut se rappeler que juste avant de terminer la prière, juste avant de saluer à droite et à gauche, comme on va voir, il faut prononcer ce doigt. Donc pour la prière de l'Maghrib, la prière du crépuscule, il y aura le premier témoignage de foi. La personne s'assoit, prononce le premier témoignage de foi, puis ensuite la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahimia, il ne prononce pas cette invocation ta'ouz min al-arba, mais il le prononce, la personne le prononce au cours du deuxième témoignage de foi, donc il se situe à la fin de la prière, à la fin de la troisième raka'a. Pour les autres prières qui comportent quatre raka'a, cette invocation ta'ouz min al-arba sera effectuée, bien entendu, à la fin de la prière, au moment de prononcer, après avoir prononcé le deuxième témoignage de foi, et après avoir prononcé pour la deuxième fois As-Salat Ibrahimiyya. ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها. Il est donc obligatoire à la personne, après la prononciation de ce deuxième témoignage de foi, de prononcer la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons cité la formule de cette prière. وأن يستعيذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم Oh mon Dieu, je m'en remets auprès de toi contre le supplice de l'enfer. ومن عذاب القبر je m'en remets à toi contre le supplice de la tombe. ومن فتنة المحيا والممات je m'en remets aussi à toi contre la tentation de cette vie et contre l'épreuve de la mort. ومن شر فتنة المسيح الدجال et je m'en remets à toi contre la dure épreuve, l'épreuve maléfique qui sera apportée par l'Antéchrist. Cheikh Al-Albani explique brièvement ces expressions. فتنة المحيا هي ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها. L'épreuve de la vie, elle rassemble donc tout ce qui a tendance à dévier la personne du droit chemin et à provoquer plus ou moins sa perversité. Donc il s'agit des délices interdits. وفتنة الممات هي فتنة القبر وسؤال الملكين. L'épreuve de la mort, elle correspond au supplice que connaîtront certaines personnes dans leur tombe. وسؤال الملكين est le questionnaire qui sera posé par les deux anges, Munkar wa Nakir, à toute personne morte, ainsi qu'il est rapporté dans le hadith authentique. وفتنة المسيح الدجال l'épreuve de l'Antéchrist ما يظهر على يديه من الخوارق. Cette épreuve est caractérisée par la résistance de la personne face à ce qu'elle voit. L'Antéchrist possède des dons surnaturels, il amène avec lui, il provoque des miracles التي يضل بها كثير من الناس, ce qui provoquera l'égarement de beaucoup de personnes. ويتبعون على دعواه الألوهية qui le croiront, qui croiront donc l'Antéchrist lorsqu'il prétendra qu'il est Dieu lui-même, qu'il est l'incarnation de Dieu. الدعاء قبل السلام, l'invocation que peut prononcer le prieur juste avant d'achever sa prière, juste avant de saluer. ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير طيب. فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه. Ensuite, le prieur peut, après avoir pensé cette invocation, donc après s'en être remis à Dieu contre ces quatre choses, il peut demander à Dieu de lui donner le salut dans l'au-delà, ou bien de lui demander, il peut lui demander quoi que ce soit sur cette terre. Il choisit pour formuler ceci les invocations, les formules citées dans le Coran et la Sunna, mais s'il ne connaît aucune de ces invocations citées dans le Coran et la Sunna, il peut formuler à sa guise ces invocations. التسليم وأنواعه, le salut et les différentes façons de le faire. ثم يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بياض خده الأيمن. Ensuite, il tourne sa tête vers la droite pour saluer. et il la tourne jusqu'à ce que la joue apparaisse par derrière. Si une personne regardait par derrière, il verrait la blancheur de la joue de la personne. Et le fait de tourner sa tête est un pilier de la prière, le fait de le tourner à droite. وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر ولو في صلاة الجنازة. Ensuite, il la tourne de l'autre côté, à gauche, et il la tourne d'une façon si prononcée qu'une personne de derrière pourrait voir la blancheur donc de la joue. ولو في صلاة الجنازة, il tourne donc la tête à gauche, même lors de la prière funéraire, Salat al-Janaza. Cheikh Al-Albani corrige l'erreur de certains qui croient que lors de la prière mortuaire, la prière funéraire, il est permis de tourner que d'un seul côté. Ici, Cheikh Al-Albani n'a pas précisé que c'est un pilier de tourner sa tête à gauche, car en effet, il suffit de tourner une seule fois la tête à droite et de dire Assalamu alaikum, ou une autre formule, ainsi qu'on va voir, pour que la prière soit interrompue. ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة. L'imam, celui qui conduit la prière, élève sa voix en disant Assalamu alaikum, donc il prononce Assalamu alaikum, ou une autre formule parmi celles que l'on va voir. Il la prononce, il prononce ses formules à haute voix, sauf au cours de la prière mortuaire, car il est établi que le salam au cours de cette prière doit se faire en silence. وهو على وجوه, l'expression ou bien les façons de faire le salam comporte plusieurs manières, plusieurs façons. La première façon, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh an yamini. Assalamu alaykum wa rahmatullahi an yasari. Donc en se tournant à droite, en tournant la tête à droite, il prononce Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, et en tournant la tête à gauche, il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ceci est la première façon. Donc la différence entre la formule qu'il prononce à droite et la formule qu'il prononce à gauche est qu'il dit à droite wa barakatuh, et à gauche il ne le dit pas. Il dit donc à droite Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mais à gauche il dit seulement Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, que salut vous accompagne. On l'a vu auparavant, ceci qui veut dire que Dieu soit avec vous. Wa rahmatullah, ainsi que sa clémence. Wa barakatuhu al-barakat, c'est la multiplication des biens et le fait de faire durer ces biens. La deuxième façon de faire ce salam, al-thani mithluhu duna qawlihi wa barakatuhu. La deuxième façon est effectué exactement de la première façon, à la seule différence que l'on ne prononce pas wa barakatuh dans la première formule, c'est-à-dire quand on tourne la tête à droite. Donc on dit, quand on tourne à droite, Assalamu alaikum wa rahmatullah, et on tourne ensuite à gauche, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah de la même façon. La troisième façon, الثالث السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره. En tournant sa tête à droite, il dit السلام عليكم ورحمة الله. À gauche, il coupe cette formule en disant seulement السلام عليكم. De quatrième façon, الرابع يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى يمينه قليلا. De quatrième façon, en tournant légèrement la tête vers la droite, il prononce la formule une seule fois, donc Assalamu alaikum, et il ne tourne pas la tête vers la gauche. C'est ainsi que s'achève la description résumée de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne, pour se rappeler de tous ces éléments, peut réécouter ce qu'elle a entendu. Elle peut aussi, ce qui est plus direct, observer les personnes qui savent déjà prier, et bien sûr, dont elle aura su que leur prière correspond à la prière qu'elle a vue détaillée dans ce petit livret. Finalement, Cheikh Al-Albani rahimahullah dit Akhi al-Muslim, هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم محاولا لذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك ماثلة في ذهنك وكأنما تراها بعينك. aux musulmans, ou mon frère. Ceci est ce que j'ai pu rassembler comme élément décrivant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai essayé d'accrocher cette description le plus possible. J'ai essayé donc de donner une description la plus proche de la réalité afin de faire en sorte que la prière du prophète soit bien claire, soit bien ancrée dans ton esprit, comme si tu voyais le prophète lui-même prier. J'ai un grand espoir qu'en priant de la façon décrite, Dieu accepte ta prière et exauce les vœux que tu y fais, car tu auras suivi la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « Sallou kamara et tumuni ou salli » donc prier ainsi de la façon dont vous m'avez vu prier. ثم عليك بعد ذلك أن تنسى الاهتمام باستحضار القلب والخشوع فيها فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها. Le plus important, c'est que tu sois attentif au cours de ta prière et que tu observes le recueillement le plus profond, car c'est cela le but absolu de la prière, quand la personne est ainsi debout devant Dieu et qu'elle se recueille. وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء لصلاته صلى الله عليه وسلم يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Et plus tu réaliseras ces deux choses dont je viens de te parler, à savoir le recueillement au cours de ta prière et la suite à la lettre de la façon dont prie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu récolteras les fruits espérés lors de l'accomplissement de la prière, ces fruits dont Dieu a parlé dans le Coran en disant inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, la prière interdit et évite à la personne la perversion et les choses désavouables. وختاما أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا ويدخرنا ثوابها إلى يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Finalement, je demande à Dieu qu'il accepte notre prière ainsi que tous nos actes et qu'il nous en donne la récompense le jour où nous le rencontrerons et reviendrons à lui. Ces jours-là, ce ne sont pas les biens ni la descendance de la personne qui lui seront d'un profit, mais c'est la pureté, l'unicité de Dieu et la croyance logée dans les cœurs qui lui profiteront. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, et la louange te parle, et pour Dieu, le maître du monde.